couronne ou chapelet des sept douleurs de Marie. Baume. Imprimerie de Victor Simon. 1839. Markem Dan Archivorg 2023 d'après Books Google FR Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Introduction. Si le souvenir et la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est une pratique si recommandée par les saints et par tous les maîtres de la vie spirituelle, le souvenir et la méditation des douleurs de Marie ne peuvent être qu'agréables à Jésus et à sa Sainte Mère, et devenir une source de grâce pour ceux qui s'adonnent à ce pieux exercice. Persuadé que c'est faire une chose aussi agréable à Marie qu'utile aux fidèles que de faire connaître à ceux qui l'ignorent cette dévotion des plus anciennes, des mieux fondées, et une de celles que Dieu semble avoir pris plaisir de justifier par les grâces nombreuses qu'il a accordées à ceux qui en suivent les exercices, nous donnons une méthode pour la pratiquer avec fruit. En cherchant à inspirer la dévotion du chapelet de Notre-Dame des Sept Douleurs, nous sommes bien éloignés de vouloir affaiblir celle que l'on témoigne à Jésus-Christ, en honorant ses mystères douloureux. Pour peu qu'on y réfléchisse, on verra que la dévotion envers Marie souffrante est le complément de celle envers Jésus-Christ dans les mystères de sa passion, et que comme ces mystères ont été les principes des douleurs de Marie, on ne saurait mieux les méditer, qu'en les unissant les uns aux autres, ni penser utilement aux douleurs de Marie, sans les honorer par un culte. Indulgence, accordée à tous les chrétiens qui réciteront avec dévotion le chapelet des sept douleurs de la très sainte Vierge, après s'être confessés, ou au moins avec propos de se confesser. Benoît XIII, par le bref du 26 septembre 1724, a accordé indulgence de 200 jours pour chaque pater et ave, à tous ceux qui réciteront ce chapelet le jour des douleurs de la très sainte Vierge, qui sont les vendredis et tous les jours du carême. 100 jours d'indulgence quand on le récitera quelque autre jour de l'année, et de plus, indulgence de 7 ans et 7 quarantaines, quand on récitera ce chapelet en entier. Clément XII, par le bref du 14 décembre 1733, a accordé indulgence plénière une fois l'année à tous ceux qui ayant récité ce chapelet 4 fois chaque semaine, le diront au jour qu'ils voudront choisir, pourvu qu'ils aient approché ce jour-là des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, et il accorde à tous ceux qui le réciteront chaque jour pendant un mois la même indulgence plénière, une fois dans ce mois, le jour qu'ils choisiront disant ce chapelet, étant confessés et communiés. Benoît XIV, par son bref du 14 juillet 1757, a accordé indulgence plénière à tous les fidèles qui étant confessés et communiés feront une fois l'année une heure d'oraison mentale sur les douleurs de la Sainte Vierge. Observation. Pour gagner les indulgences attachées à la récitation du chapelet de Notre-Dame des Sept Douleurs, il faut tenir entre les mains un chapelet béni pour cette dévotion, soit qu'on récite en entier le chapelet, soit qu'on n'en dise qu'une partie. Le chapelet béni ne peut servir, pour gagner les indulgences, qu'à la personne pour laquelle il a été béni, ou à laquelle il a été donné gratuitement. Toutes les indulgences ci-dessus sont applicables aux âmes du purgatoire. Méthode. Pour réciter avec fruit le chapelet de Notre-Dame des Sept Douleurs. Après avoir récité le Veni Sancte Spiritus, Viens Esprit Saint, et l'offrande, on commencera le chapelet par la méditation et la prière marquée pour le premier mystère, et l'on dira un pater sur le premier gros grain, et cet Ave Maria sur les petits grains qui suivent. On fera de même à chacun des autres mystères. Note. Comme l'on ne dit point de Gloria Patri à ce chapelet, on pourra dire en place, Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement, confère, Stabat Mater. Fin de la note. À la fin du chapelet, on récitera la prière, ô Reine des Martyrs, et sur les trois derniers petits grains, trois Ave, pour honorer les larmes de la Sainte Vierge. Après l'acte de consécration, l'on récitera sur la croix le Stabat ou un Pater et un Ave, si l'on ne sait pas le Stabat. On commencera par invoquer le secours de Dieu en récitant les prières suivantes. Antienne, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Souvenez-vous de votre congrégation qui a été à vous dès l'origine, Seigneur, exauce ma prière et que mes cris pénètrent jusqu'à vous. Oremus. Éclairez nos âmes par la clarté de votre lumière, nous vous en supplions, Seigneur, afin que nous puissions voir ce que nous devons faire et que nous ayons la force d'accomplir ce qui est juste. Offrande du chapelet. Mon Dieu, je vous offre le chapelet que je vais dire pour votre plus grande gloire et pour honorer votre Sainte Mère, en méditant ses douleurs, afin d'obtenir les vertus dont vous nous avez donné l'exemple, en apprenant dès la partager vos souffrances. Donnez-moi, je vous prie, l'esprit de componction, l'attention et l'humilité dont j'ai besoin pour gagner les indulgences et participer au mérite des confrères, je renonce à toute négligence et à toute distraction. Couronne ou chapelet des sept douleurs. Premier mystère, prophétie du vieillard Siméon. Il faut méditer avec une profonde humilité, quelle fut la douleur que ressentit Marie, lorsque présentant son divin fils au temple, le saint vieillard Siméon lui annonça que cet enfant serait le principe de la ruine et de la résurrection de plusieurs, et qu'à son occasion, son âme serait percée d'un glaive de douleur. Prophétie qui annonçait à Marie la passion et la mort de son divin fils notre Seigneur, et la perte de beaucoup d'âmes, quoique rachetées par son précieux sang. Fruit du mystère. Donner à Dieu notre cœur et nous soumettre à sa sainte volonté. Prière. Ô Vierge douloureuse par ce glaive qui perça votre âme, je vous prie de m'obtenir que le souvenir de vos douleurs et des souffrances de votre Fils me soit toujours pressant, afin que faisant à Dieu le sacrifice de mes affections les plus chères et de ma volonté, je puisse l'aimer désormais d'un amour pur, ardent, généreux et digne de lui. C'est ce que je vous demande de tout mon cœur. Récitez cette Pater et cet Ave, Maria. Second mystère, la fuite en Égypte. Le second sujet de douleur pour Marie fut la nécessité où elle se vit de fuir en Égypte pour soustraire son divin fils à la persécution de l'impie Hérode, qui avait résolu de le faire périr. Fruit du mystère, obéir promptement à la voix de Dieu. Prière. Ô Mère très affligée par la douleur dont fut navré votre cœur, lorsqu'obligée de fuir en Égypte pour sauver votre fils de la cruauté d'Hérode, vous partîtes de Bethléem au milieu de la nuit. Je vous conjure d'être mon guide, et mon soutien pendant l'exil de cette vie, afin que vainqueur de mes ennemis par une parfaite obéissance, je marche avec persévérance dans les sentiers de la justice, et que Jésus seul régnant ici-bas dans mon cœur je le possède avec vous pendant l'éternité. Un Pater et cet Ave, Maria. Troisième mystère, la paire de Jésus dans le temple. Le troisième sujet de douleur pour Marie fut, lorsqu'étant allée à Jérusalem avec Joseph son époux et Jésus, ce divin fils resta dans le temple, sans qu'elle en fût instruite, et qu'en étant partie, elle passa 3 jours dans les inquiétudes, les soupirs et la douleur que lui causait la perte de ce fils uniquement aimé. Fruit du mystère, cherchez Jésus avec une véritable contrition. Prière. Ô Marie, par les larmes amères que vous répandîtes pendant 3 jours et 3 nuits, en cherchant continuellement votre divin Fils, obtenez-moi, je vous prie, de connaître et détester les péchés qui me l'ont fait perdre, afin que croissant tous les jours dans son amour, je travaille avec tant d'ardeur et de persévérance, à réparer l'abus de ses grâces par ma fidélité, qu'à l'avenir je ne sois jamais séparé de Jésus par les tentations ou les occasions qui me pourront solliciter au péché. Un pater et cet ave, Maria. Quatrième mystère, la rencontre de Jésus portant sa croix. Le quatrième sujet de douleur pour Marie fut de rencontrer son divin fils chargé d'une pesante croix, allant au calvaire, où il devait être crucifié pour notre salut. Réfléchissez sur la douleur que Marie dut éprouver en voyant l'état où son divin fils avait été réduit chez Pilate, et en pensant au cruel supplice qui allait le lui enlever. Fruit du mystère, supportez avec patience les croix et les maux de cette vie. Prière. Ô Vierge Sainte, puisque mes péchés, accablant Jésus sous le poids de la croix, ont été cause de vos douleurs, je vous conjure, par la tendre compassion que vous eûtes pour ces souffrances, de m'obtenir la grâce de porter avec patience la croix qu'il lui plaira de m'envoyer, afin que ma résignation dans les peines de cette vie et ma ferveur dans son service le glorifient désormais, et expie les outrages dont je l'ai comblé. Un pater et cet ave, Maria. Cinquième mystère, le crucifixion de Jésus. Le cinquième sujet de douleur pour la très sainte Vierge fut de voir ce divin fils attaché à la croix répandre son sang par toutes les plaies qu'on lui avait faites, et expirer entre 2 scélérats. Fruit du mystère, la mortification de nos sentiments. Prière. Ô Marie, par cette douleur inconcevable que vous ressentîtes au pied de la croix en voyant expirer Jésus au milieu de tant de souffrances, obtenez-moi la grâce de partager ce sacrifice, en crucifiant continuellement mes passions par l'abnégation de moi-même, daignez me soutenir jusqu'à la fin dans ce pénible combat, je l'espère de votre amour et de votre bonté. Un pater et cet ave, Maria. Sixième mystère, descente de la croix. Le sixième sujet de douleur pour Marie, qu'on peut regarder comme le plus grand et le plus sensible qu'elle eût eu jusqu'alors, fut de tenir dans ses bras son divin fils lorsqu'on l'eut descendu de la croix après une mort si douloureuse et si cruelle, et de voir son côté ouvert, ses pieds et ses mains percés, et son corps couvert de plaies et de sang. Fruit du mystère, faire pénitence et pratiquer de bonnes œuvres, afin d'obtenir de Jésus-Christ qu'il nous applique les mérites de sa mort et passion. Prière. Ô Vierge Sainte, par l'amertume extrême dont fut inondée votre âme lorsque Jésus, déposé de la croix, fut remis entre vos bras, je vous supplie de demander à ce divin Fils qu'il me fasse tellement contempler dans ses plaies sacrées la grandeur de son amour et la malice du péché, que méritant par une véritable pénitence et la pratique des bonnes œuvres l'application de ses mérites, je ne l'offense plus à l'avenir, après avoir lavé dans son précieux sang, les souillures de mon âme. Un pater et cet ave, Maria. Septième mystère, la sépulture de Jésus. Le septième sujet de douleur pour Marie, reine et avocate de tous les hommes, en particulier de ceux qui l'honorent et qui implorent sa médiation auprès de son divin Fils, fut de le voir ensevelir et renfermé dans un sépulcre par Joseph de Nicodème, et de ne pouvoir témoigner sa tendresse maternelle que par les larmes amères qu'elle répandait. Fruit du mystère, faire tout pour Dieu. Prière. Ô Mère désolée, par les douleurs inouïes que vous ressentiez lorsqu'il fallut vous éloigner du tombeau de votre divin Fils, daignez m'obtenir la grâce de connaître quel est le malheur d'une âme séparée de Dieu par le péché, afin qu'après avoir déposé mes iniquités dans le tombeau de Jésus, je puisse demeurer en assurance dans ses plaies sacrées, et pénétrer jusqu'à son cœur adorable, où je sois embrasé d'un amour si pur et si constant, que je ne cherche désormais, en toutes mes actions, que l'intérêt et la gloire de Dieu seul. Un Pater et cet Ave, Maria. Prière. Ô Reine des martyrs, ô Marie dont l'âme sainte fut abîmée dans un océan de douleur, je vous prie, par les larmes que vous avez répandues dans ce mystère, de m'obtenir, ainsi qu'à tous les pécheurs, l'esprit de compunction et le don des larmes, afin que pleurant sincèrement nos péchés, nous les expions par de dignes fruits de pénitence. On récitera sur les trois grains qui sont avant la croix trois Ave, Maria, pour honorer les larmes de la Sainte Vierge. Acte de consécration après le chapelet. Vierge Sainte, Mère de mon Sauveur, je vous choisis aujourd'hui pour ma souveraine, ma protectrice et mon avocate auprès de Jésus votre divin Fils. Je prends la résolution de ne jamais abandonner votre service, et de chercher de tout mon pouvoir à vous procurer l'honneur et la gloire qui vous sont dus. Pour gage de ma profonde vénération, je vous donne, après Dieu, tout ce qui est à moi, particulièrement mon cœur, pénétrez-le des douleurs que ressentit le vôtre pendant la passion de votre divin Fils. Je vous prie de me recevoir au nombre de vos serviteurs, vous qui au pied de la croix m'avez reçu pour votre enfant, assistez-moi dans toutes mes actions, et surtout à l'heure de ma mort, afin que vivant désormais dans une fidélité constante à votre service, je puisse mériter, par l'imitation de vos vertus, de partager éternellement votre bonheur et votre gloire, après m'être uni dans cette vallée de larmes à vos douleurs. On terminera cet exercice en récitant sur la croix du chapelet la prose suivante, Innocent XI a accordé 100 jours d'indulgence aux fidèles qui la réciteront en entier. Prose. La Sainte Vierge pénétrée de douleur, était près de la croix pendant que son Fils y demeurait attaché. Ce fut alors que dans les gémissements, son âme triste et affligée fut percée du glaive de douleur. Qui pourrait exprimer la tristesse dont fut saisie alors cette bonne mère du Fils unique? Elle s'affligeait toute plongée dans la douleur, elle tremblait d'horreur voyant les tourments excessifs de son auguste Fils. Qui pourrait retenir ses larmes, considérant la mère du Sauveur dans un si grand supplice? Quelqu'un pourrait-il ne pas s'attrister en considérant cette tendre mère qui ressent le contre-coup de la douleur de son cher Fils? Elle vit Jésus souffrir de cruels tourments pour les péchés de son peuple, elle le vit soumis à une sanglante flagellation, elle vit son aimable Fils mourir et rendre l'esprit sans aucune consolation. Ô Mère qui êtes une fontaine d'amour, faites que je sente la force de votre douleur et que je mêle mes larmes avec les vôtres. Faites que mon cœur brûle d'amour pour Jésus-Christ mon Dieu, afin que je lui devienne agréable. Faites, ô Mère toute sainte, Que les plaies de votre Fils crucifié pénètrent bien avant dans mon cœur. Partagez avec moi ses blessures et toutes les peines qu'il a daigné souffrir pour moi. Faites que je pleure sincèrement avec vous, et que toute ma vie je souffre patiemment avec Jésus crucifié. Je veux demeurer avec vous auprès de la croix, et partager avec vous de bon cœur vos gémissements. Vierge la plus excellente des vierges, accordez-moi la faveur de souffrir que je mêle mes pleurs avec les vôtres. Faites que je conserve toujours le souvenir de la mort et de la passion de votre Fils, et que je repasse souvent dans mon esprit les plaies qu'il a reçues. Faites que je sois percé de ses plaies, et que, rempli de son amour, je fasse mes délices de sa croix. Que je brûle d'ardeur et de zèle pour son service, et vous, ô Vierge incomparable, soyez ma défense au jour du jugement. Faites que la croix de Jésus-Christ soit ma sauvegarde, sa mort ma défense, et sa grâce mon soutien. Enfin, quand il faudra quitter ce corps, faites que la gloire du paradis soit donnée à mon âme. Ainsi soit-il. Vierge très affligée, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Oraison. Nous vous prions, ô Jésus, que la bienheureuse Vierge Marie, votre mère, dont l'âme fut percée d'un glaive de douleur au temps de votre passion, intercède pour nous auprès de votre miséricorde, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Prière à la Sainte Vierge. Souvenez-vous, Reine bienfaisante, qu'il est inouï que vous ayez jamais abandonné aucun de ceux qui ont cherché un asile auprès de vous, ou qui ont réclamé votre puissante intercession. C'est en effet pour obtenir aux pécheurs le pardon qu'ils sollicitent, et absorber leurs crimes par les ardeurs de votre charité que vous êtes devenue la mère de celui qui est la source des miséricordes. Animé de cette confiance, j'ai recours à vous, Vierge Sainte, et tout souillé de crimes, accablé sous le poids de mes misères, je viens me prosterner à vos pieds. Ah, que le nombre et l'énormité de mes péchés ne vous rendent pas insensible à mes soupirs, que les souillures abominables et la dureté excessive de mon cœur ne vous engagent pas à me rejeter de votre présence. Vous savez, ô Marie, dans quel profond abîme d'iniquité je suis plongé, et combien j'ai mérité la rigueur des vengeances de votre Fils. Ne me refusez pas, je vous supplie, un accès favorable auprès de vous, parce que vous êtes, après Dieu, mon plus ferme appui, en vous seul est fondée l'espérance de mon salut. Oui. J'ai conçu une si vive confiance en vos bontés, que je ne me persuaderai jamais que je puisse périr, tant que je vous aimerai, et que je demeurerai fidèle à votre service. Ô très sainte Mère de Dieu et des hommes, la joie de tous les saints, la consolation de tous les misérables, le refuge de tous les indigents, je vous en conjure par ces douceurs ineffables que vous éprouvâtes autrefois, lorsque l'être suprême daigna se renfermer dans vos chastes flancs, et s'y unir à la nature humaine, daignez-vous-même prendre en main mes intérêts, et ménager ma grâce auprès de votre très cher Fils. Autre prière à la Sainte Vierge. Agréez, Vierge Sainte, la confiance que j'ai en vous, obtenez-moi de mon Sauveur, votre cher Fils, une foi vive, une espérance ferme, un amour tendre, généreux et constant. Obtenez-moi une pureté de cœur et de corps que rien ne puisse ternir, une humilité que rien ne puisse altérer, une patience et une soumission à la volonté de Dieu que rien ne puisse troubler. Enfin, très Sainte Vierge, obtenez-moi de vous imiter fidèlement dans la pratique de toutes les vertus pendant ma vie, afin de mériter le secours de votre protection à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il.